Solitaire, partie 1. Punk. Que des virages sur ma route, mode vigilant comme aucun pot. Je dis jamais rien mais j'écoute, première occasion j'y vais plein pot. Je sais que ça sert à rien les doutes, donc je les dissipe sous le tempo. J'essuie mes larmes goutte après goutte, le sourire d'après c'est de l'impro. Que des virages sur ma route, mode vigilant comme aucun pot. Je dis jamais rien mais j'écoute, première occasion j'y vais plein pot. Je sais que ça sert à rien les doutes, donc je les dissipe sous le tempo. J'essuie mes larmes goutte après goutte, le sourire d'après c'est de l'impro. À force de penser à la vie qu'on voudrait, des fois j'oublie la vie que l'on mène. Et mes darons font de la peine, dépressif, un trop plein d'alcool dans les veines. Comment en faire? Je réfléchis comment je pourrais tous nous refaire. À part faire des affaires, je vois la tristesse dans les yeux de nos pères. Ça parle souvent d'argent donc j'ai besoin d'en faire. Sans aucun rêve sont les gens, solitaires en vrai parce que je les comprends pas. Je demande si ça va mais bon personne ne va. Si tu galères ici ce sera pareil là-bas. Personnellement je ferai toujours du son par amour. Par amour du son ou par amour du bif. Au moins qu'on se rappelle de moi comme Aznavour. Qui sont les boss? Qui sont les boss? Toujours plus chaud, tu sais pourquoi je bosse. Veux pas ça pour mes gosses. Qui sont les boss? Qui sont les boss? Toujours plus chaud, tu sais pourquoi je bosse. Que des virages sur ma route, mode vigilant comme aucun pot. Je dis jamais rien mais j'écoute, première occasion j'y vais plein pot. Je sais que ça sert à rien les doutes, donc je les dissipe sous le tempo. J'essuie mes larmes goutte après goutte, le sourire d'après c'est de l'impro. Que des virages sur ma route, mode vigilant comme aucun pot. Je dis jamais rien mais j'écoute, première occasion j'y vais plein pot. Je sais que ça sert à rien les doutes, donc je les dissipe sous le tempo. J'essuie mes larmes goutte après goutte, le sourire d'après c'est de l'impro. Bunk, solitaire. Solitaire, partie 2. Bunk. Avec de l'argent, je pourrais refaire le monde. On m'a dit qu'ici tout s'achète. Si un de mes sons vient à percer les ondes, c'est que j'ai accompli ma quête. Plus le temps passe, plus je compte les secondes. Avant que quelqu'un me la mette, les traîtres ont comme une odeur nauséabonde. Toujours un doigt sur la gâchette. Le loup solitaire n'a que faire de la meute. Il réussit seul ce que les autres ne peuvent pas faire en bande. Les moutons font des émeutes. Tu sais qui est le boss quand tous les autres de toi dépendent. J'ai des rappeurs dans mes pattes, je sens leur regard. Alors comment veux-tu que je me détende? Besoin de tirer une natte, plus confiance en rien depuis que même les amitiés se vendent. Besoin de personne, je me ferai tout seul. C'est plus des amis quand ils se foutent de ta gueule. J'ai bossé plus dur que du coup ils m'en veulent. Personne t'écoute, refais pourquoi tu gueules. J'ai pas tant à donner, je sens l'odeur des sous. J'ai rien pris, rien volé, j'ai bossé, c'est tout. Les gars de mon âge m'ont dit que j'étais fou. Et les plus vieux m'ont dit reste debout. Solitude m'accompagne, me rend toujours plus fort. Je peux soulever des montagnes, suffit d'un peu d'effort. Les autres ne sont que des proies, j'ai fait face à mon prédateur. Les sentiments meurent de froid, j'ai jamais réchauffé mon cœur. Y'avait des voleurs qui n'ont pas fait long feu. Quand des gens de valeur provoquent des incendies, derrière un sourire y'a des gens qui t'en veulent. Donc si tu veux durer, ouais sois pas trop gentil. Tu restais solo. Plus confiance en l'homme, j'ai dû trouver les mots. Tu restais solo. Car devant les sommes on est tous des idiots. J'dors de moins en moins, j'bosse de plus en plus boy. J'enchaîne ta festude comme un ouache, sous-estimé comme Suzanne Boyle. J'use les prods comme des sextoys dans les mains d'une info en quête d'un top boy. Trop rapide, j'suis comme Usain Bolt. T'es là pour la déco, t'es comme une capcoy. Qui sont les boss? Qui sont les boss? Toujours plus chaud, tu sais pourquoi je bosse. Qui sont les boss? Qui sont les boss? Je transmettrai tout mon talent à mes gosses. Qui sont les boss? Qui sont les boss? Toujours plus chaud, tu sais pourquoi je bosse. Qui sont les boss? Qui sont les boss? Je transmettrai tout mon talent à mes gosses. Punk, solitaire.